นี้ไม่ยอม Thank you. bonjour, la région centre, la SNCF et l'équipe Aqualis vous souhaite la bienvenue aux voyageurs. Nous avons rejoint en gare d'Orléans et les Aubrais. Ce train est à destination de Paris. Les personnes n'ayant pas acheté ou possédé leur titre de transport sont priées de se présenter au chef de bord dans les plus brefs délais et avant toute opération de contrôle. L'équipe Aqualis vous souhaite un agréable voyage.